Voilà, donc maintenant, dernier vent gros de la semaine qui nous vient de Hong Kong. Et ce gros vent-là a été réalisé à Hong Kong par des machines électroniques. Trop bien. Ce gros vent-là a été réalisé par Moscovitch. Et l'interprétation de ce gros vent, donc là on est vraiment sur une réalisation assez conceptuelle. Donc il y a toujours l'interprétation de ce gros vent d'Hong Kong par Loïs Castellano, aka Trophée Aban. Voici. Merci beaucoup, Trophée Aban. Merci Loïs pour ce tout dernier gros vent et pour tout, voilà, pour toute cette semaine. Et afin de clore cette semaine de gros vent, je voulais établir voilà le palmarès du plus gros vent de la semaine. Mais comme on va pas avoir le temps de tous les repasser, je les ai compilés ensemble. Et puis je vais vous laisser tenter de différencier lequel est lequel et puis de voir quel est le plus gros vent. Oui. Oui, merci. Beau. Bon, bah voilà. Après, en toute honnêteté, je crois que le palmarès du plus gros vent, c'est moi qui l'ai gagné cette semaine. Voilà. Donc, si. J'ai l'impression que celui de Pise se distingue aussi un peu. Oui, celui voilà. De Pise également. Oui. Mais enfin, voilà. Parce que se prendre un gros vent à Pise. Pourquoi ? Bah, je ne sais pas. J'imagine que ça doit être quelque chose d'assez fou, non ? Ouais. Toi qui étais à Pise récemment ? Oui, que... je suis allée à Pise récemment. C'est vrai que le vent était très gros. À Livourne, il était vraiment assez énorme aussi également. Et à Chantemerle aussi, mais vraiment à Archipel, je me suis vraiment pris un gros vent. Et du coup, voilà. C'était la thématique de la semaine. Ouais, mais du coup, c'était parfait. Merci beaucoup. la personne se reconnaîtra sans doute si elle n'a rien d'autre à faire un dimanche matin que d'écouter Radio Zine.